T'es dans la farine, dans la carne, mais vend des armes. Tu connais le stade, rentre tard, mettre en bagarre. Sans 10 ans, depuis tard 10 ans, tu fais mon tisan. Laisse-moi vivre, tes partisans sauront que tu es mon espèce de tigeon. Espèce de pigeon, t'as cru que soit guédé. C'est comme un rack, t'es fait à la télé. J'aime pas l'hypocrisie, c'est pour ça que j'ai pas de télé. Laisse-moi soit mais laissez ma wax fêlé. Un jour, Pelé m'a dit, t'es tout le temps triste. C'est pas que je suis triste, mon père, jusque la main, le brise trop, je crise trop. Regarde ce que tu fais quand tu dises trop. Tu vises mal quand tu visais, tu veux te tourner le bistrot. Moi, je me fais distrait. Travaille mon exillon, toi, t'es discrédité, districté. Par l'aliénation, j'ai mes convictions sur la démocratie. Il y a des solutions de réduction de la démographie, s'il faut. J'ai ce que je veux, c'est mon texte. Garde l'espace et quelques citations d'un wagon, des messes basses et puis des collines d'un wagon. Tu peux me croiser la nuit en Pujka avec mon Posca, coloriant la ville, baisant les murs sans vodka. Pas de pause, gars, 4h du mat, opérationnel, je me pose là, laissant mes textes dans les ruelles ou à la maison, en chaussons, même dans la garrigue, c'est ça que bon. Moi, quand le son irrigue, je suis un lion dans la savane, pas dans un zoo, un poisson dans l'eau ou un requin. Mais je suis marrant, toi, t'es le clou, pas celui du spectacle, désolé, tu passeras pas à la télé, non, mais t'as vu comment télé. Moi, j'écris des phases affrontées comme des sabres japonais, depuis le temps où Jolly Jumper était des japonais, et des rimes qui font planer, qui ne font que détonner. Ta grande sœur mangeait du poisson pané, big up à Ox, qui pensait que la rêve était pané. Je débarque avec mes mots, j'ai même pas besoin de bouton pané. J'suis déjà dans le cerveau, soyez spartané. Respectez Bilbo, ou bien vous pouvez te scanner. Je peux te scanner, même te faxer. Mon son aussi fat, toi si maigre, faut pas déconner, non. Depuis le lycée, yo, bah, il fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tasses et les clashs et les places au fond de la classe, comme on sait, c'est prévu pour commencer. Je vais minimiser mes phases, imiter les sages pour désir aux hommes, nos hommes. Vous entre les pages, entre les marges. Le savoir est une arme, je suis un barge, moi je vais l'utiliser. Comme tout le monde des demoiselles qui tombent en gymnase. Y'a tellement peu de BPM, j'pourrais kicker des consoles. Même pas le rétel, j'te promets, ça choque personne. J'ferais des kicks, puis des gros blocs. J'suis un lion, pas un chat, si tu me bluffes, moi j'suis un lion. J'suis qu'un honnête, mon aigle. On y a qui font des sons que ça me sent, pas j'm'arrête. Puis je repars aussi sec, comme le dit, t'en es pas si ce que t'as bu sans eau. Et que c'est que tu sais que j'traîne avec des gars plutôt foulés que fait que fucker. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you.